Les chasseurs de nazis. Chapitre 3, les précurseurs. Quatrième épisode. Coup sur coup, en l'espace d'un an, en 2014 et 2015, deux longs métrages allemands ont été consacrés au procureur Fritz Bauer, décédé en 1968. Le premier intitulé « Le labyrinthe du silence », le second « Un héros allemand ». Deux films pour rendre enfin hommage à cet homme seul qui voulait confronter dès les années 60 son pays à son passé. L'Allemagne est fière de son miracle économique. Elle est aussi fière d'être la patrie de Goethe et Beethoven. Dans cette archive où sa crinière blanche ajoute si besoin est à son allure de vieux lion courroucé, il aborde sans détour la fierté de l'Allemagne. Mais l'Allemagne est aussi le pays de Hitler, d'Eichmann et de leurs nombreux hommes de main. Mais de même qu'une journée est faite de jour et de nuit, l'histoire de chaque peuple est faite d'ombre et de lumière. Je crois que la jeune génération d'Allemands est prête à affronter tout son passé et toute la vérité. Une chose que leurs parents ont souvent eu du mal à faire. Olivier Guez a reçu le prix du meilleur scénario en Allemagne il y a 2 ans pour le film « Un héros allemand ». Avant cela, il avait écrit aussi un long récit intitulé « L'impossible retour, une histoire des Juifs en Allemagne ». Il revient sur sa démarche face à l'histoire après la Seconde Guerre mondiale. En fait, depuis une dizaine d'années, je travaille sur les après-guerres. Les après-guerres en Europe, en Allemagne notamment, mais pas seulement, les après-guerres en Amérique du Sud, et des deux côtés, des deux versants. Ce qui m'intéresse au fond, c'est qu'évidemment la guerre ne se termine pas en 45. Les combats, les hostilités se terminent en 45, mais ce trauma, cette expérience, cette césure civilisationnelle, qui est non seulement la Seconde Guerre mondiale, mais finalement toute la période 14-45, qui pour moi ne forme qu'une seule et même période, a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on vit toujours dans une forme d'après-guerre ou d'après-après-guerre, on est peut-être à la deuxième phase de l'après-guerre, mais l'Europe s'est infligée 85 millions de victimes en l'espace de 30 ans. J'essaie d'être un peu, à ma petite échelle, le sismographe de ces après-guerres. J'ai grandi là-dedans, je suis issu de ce monde-là. Voilà, j'observe, je fouille cette faille. Un héros allemand, c'est le titre du film que vous avez scénarisé en 2015 sur Fritz Bauer. Mm-hmm. Mais plus intéressant est le titre original. D'accord, oui, en effet. L'hashtag gegen Fritz Bauer, c'est-à-dire l'État contre Fritz Bauer, qui correspond beaucoup mieux à la réalité du combat de Fritz Bauer que ce héros allemand, comme si héros et allemand en fait, ne pouvaient être associés. Parce que l'État allemand, c'est celui qui l'envoie en camp de concentration en 1933. Oui. Fritz Bauer est un jeune magistrat, c'est même le plus jeune magistrat à l'époque de la République de Weimar, et disons qu'il cumulait un certain nombre d'handicaps aux yeux des nazis. Non seulement il était juif, mais en plus social-démocrate et homosexuel. Donc effectivement, très rapidement, il va se retrouver en camp de concentration, dont il va sortir assez vite, mais ensuite il va quitter l'Allemagne pour rejoindre la Scandinavie. D'abord, il s'échappe du camp de concentration en 1935 et rentre en Allemagne en 1949. Mm-hmm. Et là, c'est l'État, on pourrait dire, démocratique, oui, auquel il fait face. Oui, alors c'est évidemment plus compliqué, plus ambigu que ça, dans la mesure où il est quand même procureur du Land de Hesse, donc la région autour de Francfort. Donc il a un poste important et donc il a été nommé par les autorités. Après, Fritz Bauer, effectivement, va se heurter à des obstacles très sérieux lorsqu'il va vouloir confronter les Allemands et sa propre administration à leur passé. Oui, la génération des anciens nazis est au pouvoir en Allemagne par suite tout simplement de l'effet générationnel. Serge Klarsfeld. Ils ont 30 ans, 30 à 50 ans ou 60 ans. Et donc, il faut faire repartir l'économie allemande. Il y a un gigantesque travail à faire. Les uns ramassent des pierres, les ruines, construisent. Et puis d'autres qui étaient à la tête des concerns, des trusts, des industries, et ben, avec la guerre froide, se remettent au pouvoir. Et ils sont extrêmement compétents. Donc, comme ils sont compétents, ils font remarcher l'économie allemande. Et puis, les hommes politiques sont aussi des hommes politiques marqués souvent par le nazisme, mais qui, pour ceux qui ne sont pas au pouvoir sous le nazisme directement, ils retournent leur veste, tout simplement, et le criminel fait un travail de démocrate. Des journalistes, des associations, des églises, transformer des criminels en victimes. Des évêques demandaient grâce pour ceux qui avaient été étiquetés criminels de guerre, afin de tarir cette source d'amertume. Et même un social-démocrate comme le parlementaire Adolf Arndt réclama « Ce qui doit cesser en Allemagne, c'est la chasse à l'homme ». Extrait du récit de Géraldine Schwartz intitulé « Les amnésiques », un récit dans lequel l'auteur allemande part à la recherche de l'héritage du national-socialisme dans sa propre famille. Elle découvre que son grand-père a acheté en 1938 une entreprise à un juif qui a péri ensuite avec les siens à Auschwitz. L'occasion aussi pour l'auteur de dresser un portrait sans concession de son pays dans l'après-guerre. La philosophe Hannah Arendt, qui fit un voyage en Allemagne d'août 1949 à mars 1950, fut choquée de rencontrer une population figée dans un manque généralisé de sensibilité, de la méchanceté ouverte, parfois dissimulée par un pathétisme de pacotille, des symptômes d'un refus profondément ancré, opiniâtre et parfois brutal, de regarder la réalité des événements en face et de les assumer. Le gouvernement du premier chancelier de la RFA, Konrad Adenauer, de 1949 à 1963, encouragea cette posture, car il estimait que laver l'ensemble du peuple allemand des crimes nazis faciliterait la réintégration du pays dans la communauté internationale occidentale. L'historien spécialiste du nazisme, Johann Chapoutot. Fritz Bauer fait face à un mur administrativo-politico-technocratique composé d'anciens nazis. On doit à Fritz Bauer le procès d'Auschwitz qui se tient de 1963 à 1965. À Francfort, où l'on vous dit aujourd'hui qu'avant Hitler, un Allemand sur 10 était juif, se déroule en ce moment le procès d'Auschwitz. Presque 20 ans après avoir cessé, après avoir dû cesser d'humilier, de torturer, de tuer, les accusés ont répondu à l'appel du président. Ces procès, donc d'Ulm et puis ensuite de Francfort, sont dus à l'opiniâtreté, à la puissance de travail d'un homme qui est très seul dans les institutions judiciaires allemandes à cette époque, Fritz Bauer, alors qui est protégé politiquement par ce qu'on appelle les Landesführer, c'est-à-dire des présidents de régions allemandes sociodémocrates. Il incarne, aux yeux de ceux qui le protègent, le meilleur de l'Allemagne. Une Allemagne universaliste, cultivée, citoyenne, ouverte sur le monde. Aux yeux de ses détracteurs, qui sont très très très nombreux, dans l'appareil judiciaire, au niveau du parquet, c'est un parquetier, hein, c'est un procureur, au niveau de la police, dans les services secrets, et au niveau du gouvernement chrétien-démocrate de Konrad Adenauer, il a beaucoup d'ennemis, et ces ennemis-là, sans même parler d'extrême droite évidemment, ces ennemis-là le voient au contraire comme l'anti-Allemagne incarnée, un juif qui a vécu en exil, donc qui n'a pas souffert comme la population allemande, et qui n'a donc pas de leçons à donner à cette Allemagne qui a tant souffert, qui n'a pas de compte à lui demander. Depuis le début de ce procès, les accusés ont devant eux les plans des camps d'extermination d'Auschwitz et de Birkenau. Mais pour eux, ces plans sont comme la carte d'un pays qui n'aurait jamais existé. Ces camps de mort, ils en nient l'existence, insolemment. Ces accusés, il y en a 22, étaient des hommes horriblement importants à Auschwitz. Ils n'ont jamais vu une arrivée de convoi. Et quand on leur parle de sélection, ils ne comprennent pas, ayant oublié qu'ils choisissaient sur le quai même d'arrivée, sur la rampe, ceux qui pouvaient servir encore et ceux qui devaient mourir sans délai dans la chambre à gaz. Les chambres à gaz, ils ne savent pas, disent-ils, qu'elles existaient. Les fours crématoires non plus. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.